des très rares types de ma team qui ont pas fait de star. Squatteur de parvis et de parking, anti-steur alors forfait, j'ai star. Ski, rockstar dans l'attitude, mode de vie, boy bad. On crache nos grips sur des sons qui puent la révolution comme dans Amistad. On tape chacun pour son staff, on est des sujets légèrement instables. On charbonne pas pour se donner un style, frérot. L'argent est sale et les agents le savent tous très bien. Incarcéré tous mes sabs, si ça vous chante, vous mettrez des coups de chlasse dans le sable. Je vous préviens, les contraires prennent le droit, je m'en sens contraire. Si tu oses plus, flip de l'avenir plus que de choper un cancer. Baisse leur garde pour la ronda, ou c'est la merde quand tu rentres à la ragba. Avec les yeux rouges comme des joyaux sortis de l'enfer. Je rappe pas pour que les petits me prennent pour exemple. Mes couplets n'ont rien de prophétique, que Dieu me pardonne. C'est d'un gros halami, j'en parle le profil type. En durci comme les mains de ces tarons qui se froissent le dos au chantier. J'exagère, elle m'arrache au mic jusqu'à ce que vous la ressentiez. Les petites chez nous poussent trop vite, grandissent dans les délais mineurs. Vieillissent dans le grand banditisme, l'amour, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre. À cette heure-ci, ce qu'ils veulent, c'est juste des poulettes un peu foulées. Pour se coffrer de la chenouf dans la fouf, ou avaler des poulettes, je vous souhaite la bienvenue dans le four. Le paradis pour l'homme four, pour tes propres amis de four, pour quelques billets ou leurs violettes. On joue nos filles comme à la roulette, que les boucas pêchent leurs follets. Peu de chance pour que l'on devienne ce que nos darons tuaient. Personne, quand tu travailles à la chaîne, on est pourri à l'intérieur, on est des OGM. J'suis un moteur AM, j'ai modifié, j'aime faire entrer la caillasse quand toute la famille j'aime. Personne, personne. Quand tu travailles à la chaîne, on est pourri à l'intérieur, on est des OGM. J'suis un moteur AM, j'ai modifié, j'aime faire entrer la caillasse. Rimka, dos c'est la famille, faut bien que j'aime.